Qu'est-ce que je mets pour aller au restaurant ce soir? Il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de nuages. Ma robe bleue, ma jupe rouge. Je sais, ma petite robe jaune en coton, c'est idéal. Ah oui, elle te va bien. Mais attention, chérie, regarde le journal. Il pleut ce soir. Oula, oui, c'est vrai. Il y a des orages et il fait 18 degrés. Bon, close to me, dis-moi, qu'est-ce que je mets ce soir? Une robe, mon imperméable beige et des bottes. Ok, c'est une bonne idée. Ah, et mon parapluie.